014. Favela screen. Favela scream. Yeah, yeah, yeah. Satisfaire la clientèle. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. L'ambiance, atmosphère, une guerre. C'est ce qu'on aime. L'adrénaline et l'odeur du ghetto. C'est ce qu'on aime. Les vies faciles, c'est ce qui nous fascine. C'est ce qu'on aime. Les quads, les motos, les gros polis. C'est ce qu'on aime. Les filles, la frime, le fric. C'est ce qu'on aime. L'Afrique, les Comores, nos origines. C'est ce qu'on aime. Les castres, nos morceaux, tu mérites pis. C'est ce qu'on aime. C'est ce que. C'est ce qu'on aime. C'est ce que. C'est ce qu'on aime. On est platine, les gros polis, les CPR, tout ce qui est solide, on aime les grosses caisses. De 207 à 32 de 2002 à 2007, de Miami à Marseille. De 007, on veut vous prendre toute la recette. En plus, ça sort, on veut tout prendre, prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ton fric, ta chaîne, ton shit, ta caisse. Prends ton ballon et shoot à Tony Parker. Ou on file des gun box comme Hurricane Carter. Nous, les rues des quartiers de Mars, on les connaît par cœur. Nord, sud, est, ouest, c'est gravé dans nos cœurs. Ici, ça qui plaît, car les rappeurs, les mecs de tol. Tout ce qui mène à la victoire pour toucher le pactole. On a la gloire en ligne de mire. Tu le sais, ça rigole pas. Ambitieux, c'est ce qu'on est. Ah ouais, mec, ça plaque pas. Ça se tue à la muscule avec un gros débardeur. L'atmosphère under, c'est de la bombe, c'est ce qu'on aime. L'ambiance, atmosphère under, c'est ce qu'on aime. L'adrénaline et l'odeur du ghetto, c'est ce qu'on aime. Les vies faciles, c'est ce qui nous fascine, c'est ce qu'on aime. Les quads, les motos, les gros polis, c'est ce qu'on aime. Les filles, la frime, le fric, c'est ce qu'on aime. L'Afrique, les Comores, nos origines, c'est ce qu'on aime. Les castres, nos morceaux, tu mérites pis, c'est ce qu'on aime. C'est ce que, c'est ce qu'on aime. C'est ce que, c'est ce qu'on aime. On aime le rap de frais, le rap de bonhomme, femme à la screen, la planche colombe, banquier rencontre Chris Colomb, toujours d'aplomb. On se tue au pont, puis au bar, des bêtes fauves comme Conan le barbare. On kiffe les phrases cultes, gardienne mes frères à la Nino, adieu Mel, à la Tony, gros buteur du cartoni. Or c'était du Ticard, on traîne, on se couche tard, on kiffe le ghetto, rien à foutre de guitare. Leur guet-apens, on tombera pas dedans, on parle mal des concernants, avec des lyrics attendants. Attends des fois ce qu'on se bat, attends des fois ce qu'on gagne. Avec les tripes, la hanche, c'est pour nous une belle revanche, c'est notre chance. On aimerait bien que ça marche, qu'on se tire de cette France à l'abri de leur offense. On aime nos mères, nos pères, nos sœurs, nos frères, nos proches. On les porte tous dans nos cœurs. L'ambiance, atmosphère, under, c'est ce qu'on aime. L'adrénaline et l'odeur du ghetto, c'est ce qu'on aime. Les vies faciles, c'est ce qui nous fascine, c'est ce qu'on aime. Les quads, les motos, les gros polis, c'est ce qu'on aime. Les filles, la frime, le fric, c'est ce qu'on aime. L'Afrique, les Comores, nos origines, c'est ce qu'on aime. Les castres, nos morceaux, tu mérites pis, c'est ce qu'on aime. C'est ce que, c'est ce qu'on aime. C'est ce que, c'est ce qu'on aime. L'interdit, c'est tout ce qui nous passionne. Passer entre les mailles des filles, nada qui nous résonne. On est dans notre monde, Favela c'est le nom. Favela c'est l'exemple typique suivi par les mômes. On a la seconde classe, celui des gangsters, où les mômes sont nourris par la drogue, hébergés par les blocs, trop pris d'heures de colle. Ils prennent leur envol vers la nouvelle école. Nouvelle donne, nouvelle dose, Favela stream sur le strict minimum. Même en texte tu les frites, de la rime, de la stricte. Pas style à l'unique, on passe de la joie au mélancolique. Nous on aime ce qu'on fait, on veut que ça soit réciproque. Ne t'étonne pas si nos textes, notre histoire se rapproche du quotidien. Que tu vis ce quotidien, c'est le mien. Normal que j'en parle, qu'à cette vie, c'est ce qu'on aime. L'ambiance, atmosphère, under, c'est ce qu'on aime. L'adrénaline et l'odeur du ghetto, c'est ce qu'on aime. Les vies faciles, c'est ce qui nous fascine, c'est ce qu'on aime. Les quads, les motos, les gros polis, c'est ce qu'on aime. Les filles, la frime, le fric, c'est ce qu'on aime. L'Afrique, les Comores, nos origines, c'est ce qu'on aime. Les castres, nos morceaux, tu mérites pis, c'est ce qu'on aime. C'est ce que, c'est ce qu'on aime. C'est ce que, c'est ce qu'on aime. Rassemblés devant le bloc à pâter, à parler de tout, de rien du tout. On reste juste parce que les autres restent. On aime traîner sans traite au studio, s'entraîner sans traite. Les pépères, on va avoir quatre feuilles à notre trèfle. On aime le département 13. On baisse ni les yeux, ni la tête, ni les bras. Question de fierté. On aime le foot, les filles, la frime, le fric. Mais surtout quand le petit tombe en pour se faire agarre au flic. Le best, le FN, le ghetto. Et c'est pour ça qu'on y est. On aime se cacher sous une capuche ou une casquette. On aime quand y'a Hagar et Kamega baise en cachette. On aime la play et plus les bonnes meufs et leurs gros F. Ça soulève en TDM. On aime les bons gros SOL. Représenter la bucerine. C'est ce qu'on